Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozo 107 FM. Aujourd'hui, une toute petite nouvelle que je réserve à tous ces messieurs qui en ont plein les poches. Hein? Elle est racontée par Edgar Keret. Elle est parue aux éditions Actes Sud sous le titre de « Au pays des mensonges ». Bien, je commence. Qu'avons-nous dans les poches ? Un briquet, un bonbon pour la toux, un timbre-poste, une cigarette un peu tordue, un cure-dent, un mouchoir en tissu, un stylo, deux pièces de 5 shekels. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai dans les poches. Après, on s'étonne qu'elles soient enflées. Les gens me le disent. « Dis donc, qu'est-ce que t'as dans tes poches ?» La plupart du temps, je ne réponds pas et me contente de sourire. Parfois je ris, un rire bref et franc, comme si on m'avait raconté une blague. S'ils insistaient, reposaient la question, pour sûr je leur montrerais tout ce que j'ai. Peut-être même que je leur expliquerais pourquoi je dois avoir toutes ces choses avec moi, toujours. Mais eux, rien à faire. T'exagères. Sourire, rire, silence angoissant d'un instant, et on passe au sujet suivant. À vrai dire, tout ce que j'ai dans les poches s'y trouve par réflexion et préméditation. Tout y est pour que je puisse être en position de force à un moment critique. En fait, c'est inexact. Tout y est pour que je ne sois pas en position de faiblesse à un moment critique. Car enfin, quel avantage peut-on tirer d'un cure-dent en bois ou d'un timbre-poste ? Mais, imaginez-vous une jolie fille. Vous savez quoi ? Une fille même pas jolie, mais avec un sourire à vous faire fondre, qui vous demande un timbre. Ou qui ne le demande même pas, mais reste plantée dans la rue par un soir de pluie, à côté d'une boîte postale rouge, avec une enveloppe sans timbre à la main, et vous demande si, par hasard, vous savez où trouver un bureau de poste ouvert à cette heure-ci. Et elle tousse un peu, une petite toux de froid, mais de découragement aussi, car elle sait qu'il n'y a pas de bureau ouvert dans les environs. Sûrement pas à cette heure-ci, à un moment critique. Et elle ne dira donc pas « dis donc » et ne vous demandera pas ce que vous avez dans les poches, mais sera reconnaissante pour le timbre, ou peut-être même pas reconnaissante. Mais en échange d'un timbre-poste, elle aura ce sourire qui vous fait fondre... Oh. Elle aura ce sourire qui vous fait fondre. Toute la vie, je veux bien faire ce genre d'affaires, même si le prix des timbres s'envole et celui des sourires s'effondre. Après le sourire, elle dira merci et toussera un peu à cause du froid et de l'embarras aussi. Alors je lui proposerai un bonbon pour la toux. « Qu'as-tu donc dans tes poches ?» me demandera-t-elle avec douceur. Sans le « dis donc », sans la négativité. Et je répondrai sans hésiter, « Tout ce dont tu pourrais avoir besoin, mon amour, tout ce dont tu pourras avoir besoin. » Voilà, maintenant vous savez, c'est tout ce que j'ai dans mes poches. Un espoir de ne pas le louper, à peine un espoir, ni grand ni même probable. Je sais. Je ne suis pas stupide. Disons, un tout petit espoir que lorsque le bonheur viendra, je puisse lui dire « oui » au lieu de « oh pardon, désolé, je n'ai pas de cigarette, de cure-dent, de monnaie pour le distributeur de boissons. » Voilà ce que j'ai plein les poches. Un tout petit espoir de dire « oui » et de ne pas regretter. Elle est jolie cette histoire, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bien, allez. Qu'est-ce que j'ai choisi pour cette petite histoire ? Un tango, un flamenco. Voilà, armique, je crois. Bien, passez une très bonne semaine sur Radio Guémozo, 107 FM. Thank you.